que je pète un plomb et tu le sais. Tu le fais exprès. Je fais des efforts et toi t'es pas content. Je prends sur moi quand tu prends les devants. Surtout, ça me rend fou. Tu fais ta princesse pour le size. Je me demande si t'es là pour ma maille. Je m'en fous. Et quand je te vois, je suis censé rester cool. Ma belle, t'es pas du genre à venir en taxi. Le chauffeur t'a déposé toi et ta beauté. Mat le tapis que je suis en train de te dérouler avec classe. Mais je n'ai pas le temps, car un minute tout s'efface comme Cendrillon. Si le courant passe, mon carrosse est devant, mais. Et je suis censé rester cool. So fresh and so clean. Try and get a vibe but keep it low key. I said don't worry, the drinks is on me. And how to keep cool when this chick is so real. Damn, blown off the beat. Repeat to myself, keep cold when you meet her. Don't need to get drunk to talk, but with that juice in your truck. How am I supposed to keep my. Merci d'être à l'écoute de Fun Radio. Vous écoutez Summer Fun, il est 6h. Fun. Fun Radio. Et on démarre la journée ensemble avec une bonne dose d'infos en ce mardi 2 août 2016, signé Florence Venlo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. La princesse Astrid et l'ancien premier ministre Elio Di Rupo se sont rendus en Italie hier. La princesse a commémoré les 60 ans de la catastrophe du Bois du Cazier qui avait coûté la vie à 262 personnes, essentiellement des personnes italiennes. Elle s'est rendue aux cérémonies de Pescara et de Panopolo. Autre invité de marque, Elio Di Rupo, originaire des Arsuses, la région qui a perdu le plus d'habitants. Le 8 août, cela fera donc 60 ans que notre pays connaissait sa plus grande catastrophe minière. D'ordinaire, ce sont de bonnes nouvelles qui nous arrivent de la part du parc animalier Peridaisa depuis la naissance de Baby P. Mais hier, c'est une terrible nouvelle que les abonnés à la page Facebook ont découvert. L'éléphanto de mai, arrivé dans notre monde quelques heures auparavant, est décédé hier des suites d'insuffisance respiratoire. Le parc, les soigneurs aimés sont bouleversés par la triste nouvelle. À l'étranger, les propagations du virus Zika continuent de faire parler d'elle. Hier, ce sont les autorités de santé américaines qui ont montré quelques signes de tracas envers les femmes enceintes. Les autorités ont recommandé aux femmes enceintes d'éviter le quartier de Wynwood à Miami. Le virus transmis par les moustiques pourrait causer de graves malformations au fœtus. Un homme a été arrêté dans le cadre de l'enquête sur l'attentat de Nice. L'homme de 36 ans vient d'être mis en examen et placé sous mandat d'arrêt par le juge des libertés. Selon la chaîne BFM TV, l'homme a été aperçu en compagnie de l'auteur de l'attentat sur un selfie juste devant le camion quelques jours auparavant l'attaque. Il est soupçonné d'avoir été informé de l'attentat. En sport, la Fédération russe d'haltérophilie a fait appel lundi de sa suspension devant le tribunal arbitral du sport. La Fédération internationale avait pris la décision de suspendre ses 8 haltérophiles qualifiés pour les JO de Rio pour des cas répétés de dopage. Plus léger, pour terminer, Mark Watking, un pêcheur d'une trentaine d'années, a rencontré quelque chose de plus ou moins surprenant en pleine mer. Alors qu'il était à la pêche avec son père, les deux hommes sont tombés nez à nez avec une drôle de forme. Après avoir pensé à un ballon météorologique, une coque de bateau ou une montgolfière, au final, rien de tout cela. Il s'agissait en réalité de la carcasse d'une baleine morte en décomposition qui faisait le bonheur des requins. Les deux hommes ont continué leur route de peur que la baleine n'explose. Bon, en tout cas, c'est une nouvelle plutôt fraîche. Pour ah oui, c'est le cas de le dire. Fun Radio. Après après les carcasses de baleines, côté météo, est-ce que tu as des bonnes choses à nous prévoir pour cette journée du mardi? Elle sera tout aussi fraîche, avec un ciel très nuageux et des périodes de pluie. Les températures chutent, elles seront comprises entre 14 et 19 degrés. Et puis surtout, on l'a vu ce matin, c'est déjà la drache ici à Bruxelles. Hein. Ah, je peux le confirmer, oui. Le son Dance Floor, ça continue avec Deoro sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Summer Fun. Mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, mano. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, mano. Sabrosito, vamos a bailar. ¡Qué la cosa! ¡Vámonos! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Sudaba tequila, yo quiero probar. Y yo soy gitana, la van a envidiar. Baila como diosa, así no voy a. Réveillez doucement mais sûrement sur Fun Radio 6h05 dans quelques petites secondes, c'est Madden et Golden Light qui arrivent côté sur Dance Floor. Le temps pour nous de se souhaiter la bienvenue. Comment ça va, Coralie? Ça va et toi? Mais écoute, très très bien. On démarre cette journée, bon, sous la pluie, c'est vrai, on est un peu mouillé. Oui. Mais bon, c'est le plaisir d'être là, comme chaque jour, pour démarrer cette émission qui va parler de films et de séries aujourd'hui. Parce que toi, Coralie, tu es plus sur les séries, moi je suis plus sur les films. Et donc, on n'est pas spécialement d'accord sur ce genre de choses. Et donc, on va opposer, on va confronter nos idées et nos goûts aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir vous aussi prendre la parole dans l'émission, venir nous citer, eh bien, vos séries préférées, celles que vous regardez pour le moment, ou encore le film qui vous a marqué. Comment ça se passe pour interagir dans l'émission? Il suffit d'envoyer un petit message au 3044, c'est 50 centimes par message, ou encore sur la page Facebook Summer Fun. Et c'est très simple, on vous lit jusqu'à 9h, on a plein de cadeaux également à vous offrir, des surprises, et puis des jeux, on va en parler dans quelques instants. Juste avant, comme chaque jour, on commence avec l'éphéméride du jour. C'est l'éphéméride sur Fun Radio. Et Coralie, que se passe-t-il en ce mardi 2 août 2016? Eh ben, on est le 215e jour de l'année, deuxième jour de la 31e semaine. Des bonnes fêtes à souhaiter. Oui, au Pierre, au Julien et au Eusep. Eusep, bonne fête à vous les amis. Et puis on termine avec des anniversaires de stars, car oui, nos people sont aussi nés ce mardi 2 août. Oui, dont Priscilla Betty, je sais pas si tu te souviens. Pas du tout, non. C'est la chanteuse qui chantait « Toujours pas d'amour ». Non. Tu connais pas? Non. C'était la chanteuse de mon enfance. Bon, merci, voilà, de nous faire profiter de ton don du chant, Coralie. Mais non, je crois que ça ne me revient pas spécialement. Bah alors, c'est l'anniversaire de Michel Bernier, c'est une comédienne française. Elle cartonne, j'adore. Bah moi je connaissais pas. Sérieux? Oui, vraiment. Florence a entendu ce que tu as dit et bouche bée. Tu connaissais pas? Non, je ne connaissais pas, comme la moitié des stars françaises qui existent sur Terre, je pense. Et on va aussi souhaiter un joyeux anniversaire à Muriel Robin. Et c'est une humoriste française pour ceux qui ne le savent pas. Ça que des gens de talent évidemment qu'on peut applaudir et à qui on peut souhaiter un bon anniversaire. D'ailleurs, vous avez envie qu'on souhaite votre anniversaire aujourd'hui à l'antenne, c'est très simple. Vous envoyez anniversaire dès maintenant par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS. Voici Madden, 6h07, bienvenue sur Fun. Summer night and I held you tight in the golden light. And ever since that time I've been burning bright, fire deep inside. I just wanna feel your love, I need your love. Wake me back to life. Give me one more night, and I'll hold you tight in the golden light. In the golden light. In the golden light. In the golden light. dancing. I can see us on the countryside, sitting on the grass, laying side by side. You could be my baby, wanna make you my lady. Girl, you amaze me, ain't gotta do nothing crazy. See, all I want you to do is be my love. But he still has fans from Peru to Japan. Hey, listen, baby, I don't wanna ruin your plan. No. But if you got a man, try to lose him if you can. Cause the girls worldwide throw their hands up high when they wanna come and kick it with a stand-up guy. Yeah, and you don't really wanna let a chance go by. Cause you ain't been seen with a man so fly. Baby, friends so fly, I can't go fly. Private cause I handle my B.I. They call me Candle Guy. Why? Simply cause I am on fire. I hate to have to cancel my vacation, so you can't deny. I'm patient, but I ain't gon' try. You don't come, I ain't gon' die. Hold up, what you mean you can't go? Why? Me and your boyfriend, we ain't no tie. You say you wanna kick it when I ain't so high. But baby, it's obvious that I ain't your guy. I ain't gon' lie, I feel your space. Don't forget your face, I swear I will. St. Bart's, Anguilla, anywhere I cheer. Just bring with me a pair, I will. I can see us holding hands, walking on the beach, our toes in the sand. I can see us on the countryside, sitting on the grass, side by side. You could be my baby, wanna make you my lady. Girl, you amaze me, ain't gotta do nothing crazy. See, all I want you to do is be my love. h 14, sans Fun Radio, merci d'être là. Matin futuristique Café Del Mar, c'est ce que je vous cale dans un instant sans Fun Radio côté Sundance Floor. Le temps pour notre Coralie de nous préciser qu'on a plein de cadeaux aujourd'hui et toute la semaine à vous offrir, notamment 4 places pour partir au Parc Walibi. On vous offre deux fois 4 places pour partir au Parc Walibi cette semaine et dans l'émission surtout. Donc jamais vous souhaitez passer une journée à Walibi, profitez de toutes les attractions parce qu'en plus il y en a énormément. Bah ouais, c'est il y a, ça, ouais. On va un peu les citer, il y a le loup-garou qui est très connu. J'adore. Le vampire, le cobra, le pulsar qui vient de sortir, la toute nouvelle attraction de Walibi que vous pourrez aller tester en vous promenant évidemment dans le parc. Ouais. Eh bien, si vous souhaitez vous inscrire, envoyez dès maintenant Pulsar par SMS au 6322, c'est 1€ par message et vous passerez une super journée, moi j'en suis sûre. Et d'ailleurs, on peut recommander le Dalton Terror même, je pense qu'on l'a déjà tous essayé, le Dalton Terror. Le principe, c'est quoi en quelques mots ? On monte à plus de 70 mètres de hauteur et on est relâché dans le vide. Quand t'es en haut, tu profites de la vue, c'est ça. Et le temps de profiter, c'est trop tard. Exactement, t'es lâché dans le vide et tu atterris en bas en moins de 2 secondes, c'est énorme. Eh bien, donc vous avez envie de tenter tout ça, vous avez envie d'une bonne dose de sensations fortes entre amis ou en famille, c'est très simple. Pulsar par SMS au 6322 pour 1€ le message. Et nous, on vous rappelle tout à l'heure aux alentours de 8h15 et 9h15. On parle des séries et des films aujourd'hui. Vous avez envie d'interagir, on lit tous vos messages jusqu'à 9h. Voici Matin sans Fun, 6h15. Sur Fun Radio, vous écoutez Summer Fun, je m'appelle Anto, toute l'équipe est au rendez-vous, il est 6h18 et dans quelques instants, alors on va se faire plaisir avec le duo Zach Noël et Sean Paul, Trumpet, c'est ce qui arrive. Bonne ou mauvaise nouvelle, comment va se passer votre journée? C'est l'horoscope sur Fun Radio. Et Coralie, comme chaque jour, tu as secoué les boules, tu as consulté les astres et tu as pour nous l'horoscope du jour. On commence avec les béliers. Un soulagement est au programme aujourd'hui. Les taureaux. Ne vous retenez surtout pas, balancez toutes vos idées. Les gémeaux. Exprimez vos sentiments, arrêtez de jouer les durs à cuire. On enchaîne sur les cancers. Vous attendiez ça depuis longtemps, l'amour et l'amitié devraient en reprendre leur droit chemin et s'entremêler. Les lions à présent. Un dialogue est grandement conseillé avec l'un de vos proches, jouez carte sur table cette fois-ci. Les vierges. Votre libido vous mènera par le bout du nez, essayez quand même de ne pas prendre des décisions irrémédiables. Toujours chez les vierges, hein, qu'il se passe quelque chose au niveau libido. Les balances. Ne fuyez pas les questions que vous posent vos proches, ça ne ferait qu'envenimer la situation. Les scorpions. Faites passer votre message, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Allez, on va sur les sagittaires. Acceptez les nouveaux défis et arrêtez de vous endormir sur la facilité. Les capricornes, une à présent. Une jolie rencontre ou un coup de cœur est prévu aujourd'hui. Les verseaux. Vous saurez vous adapter à toute situation. Avec votre partenaire, il en sera conscient et vous le revaudra. Le poisson. Vous parviendrez à faire passer un mot en douceur et votre charme plaira. Je trouve aussi que souvent l'horoscope ça correspond bien à ce qui nous arrive. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Merci beaucoup Coralie. En tout cas, vous vous reconnaissez dans cet horoscope, vous avez envie de venir nous le dire ici dans l'émission, simplement interagir. Vous êtes plus film, vous êtes plus série, vous préférez et évidemment les blockbusters qui cartonnent pour l'instant, ou préférez les films qui ont cartonné dans votre jeunesse. Et bien, venez nous en parler dès maintenant par SMS au 3044 ou via la page Facebook de l'émission Summer Fun. On vous lit jusqu'à 9h. Les Major Lazer, boum, c'est ce qui arrive dans un instant. Et juste avant, c'est Zach Noël et Sean Paul avec Trumpet sur Fun. Welcome, bon réveil. Big tic tac, if you gimme the, head to the floor, girl, gimme the, bend over, girl, and gimme the, spit down to the ground, seismic activity, spin round me, girl, and gimme the, top wine, girl, and gimme the, body look fine, girl, gimme the, coming out, waste some time, girl, gimme the, body look good, girl, you ever be winning it, turn it up right, girl, you never be dimming it, take up your body, cause you're in your element, body body, me take up a permanent residence, rotate your body. Trumpets blow. Sing it on a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Bust two buckle of the bubbly, bubbly. Call in two friend and then double, double. Girl so hot, she a bubbly, bubbly. And she know when she got, she a carry me remedy. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pony body, me take up a permanent residence. Your body got me love for your.

nothing right. Break a cup, she a make bag of nice, me no even give a fuck. She a swan like a sign dollar where you a go do. Take her outside, go smash it on the avenue. Two of my bitches in the club, me introduce them to each other. Other, other, man a gal is, I'm in Santa forever. Soyez les bienvenus, vous êtes sur Fun Radio. 6h30 sur Fun, on fait le tour de l'actu en ce mardi 2 août 2016 avec Florence Vanloo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. Le nouveau représentant de la Banque Centrale Européenne de Bruxelles, Stéphane Rottier, serait du favoritisme. Une plainte de syndicat a été déposée en ce sens au directoire de la BCE. L'homme est pour l'heure conseiller auprès de Peter Pratt, économiste en chef de la BCE. À partir du 1er août, il dirigera le bureau de Bruxelles à partir de ce 1er septembre. Une manœuvre que dénoncent les syndicats par manque d'appel à la candidature pour ce poste. Les finances ont encaissé un peu moins de 17 millions de successions en 2015. Cette somme est en réalité une série d'héritages non réclamés sur lesquels l'État fait valoir ses droits. Depuis 2007, c'est 80 millions d'euros qui ont été récupérés par l'État. Pour que l'État puisse accéder à ces héritages, il faut que ces successions soient refusées par leurs héritiers. À l'étranger, Hillary Clinton est en tête dans les sondages pour la présidence des États-Unis. Selon un sondage CBS, elle dépasserait de 7 points son grand rival, le républicain Donald Trump. Lors de la convention républicaine, les deux partis étaient coude à coude. Les élections américaines commencent à se dessiner de plus en plus. Ce lundi, la Cour constitutionnelle espagnole a entamé une nouvelle procédure. Celle-ci pourrait déboucher sur des sanctions contre les dirigeants indépendantistes. Ils sont soupçonnés d'avoir fait adopter au Parlement de Catalogne une résolution qui prépare la sécession avec l'Espagne. Dans un communiqué, la Cour a annoncé la suspension immédiate de cette résolution adoptée la semaine dernière. En sport, un hommage a été rendu aux victimes des attentats du 14 juillet dernier à Nice. 84 personnes avaient perdu la vie dans cette attaque revendiquée par l'État islamique. Les Napolitains ont tenu à faire résonner la Marseillaise dans leur stade avant leur match de préparation face à l'équipe nantaise. Naples l'a emporté 3-0 avec un but de Dries Mertens. Une petite information insolite pour clôturer ce flash. Et l'instinct d'une mère qui touche aussi bien les hommes que les animaux. La preuve avec cette femelle chat qui a parcouru près de 45 km pour retrouver ses 4 petits. C'est dans des seaux que les petits chats ont été retrouvés aux États-Unis. Une équipe d'ouvriers d'un bâtiment les a retrouvés lors du débarquement du camion. Depuis cette mésaventure, les chatons et leur maman ne se séparent plus et vivent pour le moment dans un refuge. Fun. Fun Radio. Dans quelques instants, côté sur Dance Floor, c'est Hardwell qui arrive. On se fera aussi plaisir avec Souf et Miamor. Juste avant, Florence, qu'est-ce que tu nous prévois côté météo? Un ciel très nuageux avec des périodes de pluie. Les températures chutent. Elles seront comprises entre 14 et 19 degrés. Le son Dance Floor continue avec Kungs sur Fun Radio dans Summer Fun. Fun Radio. Fun. Summer Fun, c'est du son Dance Floor. Du son Dance Floor. Et de la bonne humeur tout l'été sur Fun Radio. Ça va bien les amis ce matin, n'hésitez pas à nous dire aussi simplement ce que vous avez prévu aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire dès maintenant par SMS au 3044. Côté son dance floor, c'est Souf et Miamor qui arrive. Et Coralie, on n'est pas d'accord aujourd'hui, parce que toi tu es plus pas sur les séries, moi je suis plus sur les films, mais franchement on a chacun un avis littéralement opposé là-dessus. Est-ce que tu as par exemple ta série coup de cœur du moment? Ma série coup de cœur du moment et de toute ma vie, c'est Doctor House. Doctor House. Ah oui. Bon, moi je me souviens de Doctor House sur TF1 évidemment, qu'on pouvait regarder avant. Si peut-être je dois résumer le film qui pour moi est le film de ma génération, celui que j'ai pu voir au moins 15 fois, plusieurs fois au ciné, plusieurs fois à la maison, et qui est indémodable, c'est évidemment Bienvenue chez les Ch'tis. C'est le film auquel on peut pas passer à côté. Donc quand tu me parles de série, ok, c'est bien. Mais quand tu vois un succès comme Bienvenue chez les Ch'tis, tu te dis allez, au placard, les séries, ciao. Non, non, c'est pas vrai, pas du tout. Je suis pas du tout d'accord avec toi parce que les séries ça fonctionne bien mieux que Bienvenue chez les Ch'tis. Hein. Désolé. Ah, c'est différent, complètement. Bah, Bienvenue chez les Ch'tis, c'est un succès interplanétaire. Quand tu vois une série, bon, ça marche sur TF1 un petit peu, et puis c'est bon. Bah non, parce que non, pas du tout, ça fonctionne pas juste sur TF1. Les séries ça fonctionne auprès de tout le monde adore ça. Et préfère ça au film d'ailleurs, je suis désolée. Eh ben on va demander l'avis de nos auditeurs justement. Que préférez-vous, les séries, les films? Vous le dites maintenant par SMS au 63, au 30 20 44 ou encore via la page Facebook de l'émission. D'ailleurs on a déjà eu quelques réactions. On va les lire dans un instant, juste avant. C'est Hardwell et Souf avec Mi Amor sur Fun. Welcome. Ces faits et gestes que je n'ai pas su t'accorder. Oui, je sais que c'est la vie, mais j'ai choisi de t'aimer. J'aimerais que tu reviennes, tu reviennes. Tu sais, je ne suis qu'un homme, des erreurs j'en referai. Te souviens-tu du temps où tu ne savais pas qui j'étais? Un homme imprévisible, c'est tout ce dont tu rêvais. Dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes. C'est la vie, j'ai trahi, et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille, et dans la nuit, je vois que tu souris. Je t'en prie, tu as le plus beau des chats. T'avais raison, c'est comme ça que je t'aime. Mais tes souvenirs me hantent. La nuit dans mon sommeil, j'en deviens somnambule. Et je t'avais pris pour acquise, tu m'as tourné le dos. J'avais cru soumise, tous ces mots sonnent faux. Et quoi qu'on en dise, je suis ton héros. Aujourd'hui tu me fuis, tu me fuis. C'est la vie, j'ai trahi, et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille, et dans la nuit, je vois que tu souris. Je t'en prie, tu as le plus beau des chats. J'entends sa voix si belle au timbre angélique. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. toute l'été. Fun Radio. Le son dance floor. Ça fait plaisir. 6h43, merci d'être sur Fun Radio. On se détend, on se met bien. Jonas Blue, c'est ce qui arrive avec Perfect Strangers. Un problème sur la route, Summer Fun est là pour vous. C'est l'infotrafic sur Fun Radio. Juste avant Florence, que se passe-t-il sur nos routes à 6h43 ce matin? Un accident a signalé en province de Liège. La voie de transit est fermée sur la E40 de Saint-Vite à Verviers à hauteur de Teux. Eh ben écoute, j'espère que tout se passe bien. Autre que ça sur nos routes, soyez prudents d'ailleurs. Si vous apercevez un accident ou un ralentissement, faites-le nous savoir par SMS au 3044. C'est ça aussi la Fun Solidarité, pouvoir chaque matin eh bien en relayer cette information à la Fun Family. Dans quelques instants, c'est Unique et Merci qui arrive. On aura aussi Jonas Blue et Perfect Strangers dans quelques instants. À tout de suite. Présente Party Fun Live avec Kid Noise, vendredi 12 août à Malève-Sainte-Marie. Party Fun Live. À l'occasion des fêtes du 15 août, venez vous éclater avec Kid Noise pour un set exclusif avec Oksoun, DJ Party Fun. Party Fun Live. This is our summer legend. Kid Noise en live, c'est vendredi 12 août à Malève-Sainte-Marie, près de Pérouet. Plus d'infos sur funradio.be, une organisation du comité du 15 août et TNT Musique. Le son Dance Floor. Fun. C'est Fun Radio. Fun Radio. I like crashing waves, but I wanna see

testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy lie. Martin Garrix, qu'on s'écoutait sur Fun, 6h57. J'espère que tout se passe bien pour vous qui êtes de l'autre côté de la radio. J'espère évidemment, peut-être que vous êtes direction le boulot, direction les vacances. Ce qui est sûr, c'est que Soprano, c'est ce qui arrive dans quelques petites secondes sur Fun Radio. Le temps pour nous, Coralie, de rappeler qu'aujourd'hui, on est en compétition tous les deux parce que, toi tu es plus série, moi je suis plus film. Et franchement, on est en compétition aujourd'hui parce que, on n'est pas d'accord sur le fait que les films peuvent être pour moi une priorité. Pour toi, c'est les séries. Ah oui, les séries, non, mais les séries, c'est au-dessus de tout. Tu peux pas discuter là-dessus. Non, mais on va être en compétition jusqu'à 9h, c'est obligé parce que. Ah oui, bah même là, après. C'est. Pas possible. Avec la belle voix de Lloyd, Ladies and Gentlemen. Ouais. Avec l'accent Gentleman. Gentleman. Gentleman. Mais tu sais, les auditeurs préfèrent quand même les séries. Hein. C'est vrai, alors qu'est-ce qu'on dit? Alors, il y a Gaëtana qui nous dit les films, Géraldine qui nous dit les films, Jessica qui nous dit l'un ou l'autre, ça me va en série, moi je suis plus. J'adore parce que tu dis, les auditeurs préfèrent les séries. Attends. Merci les amis de tenir avec moi. Donc je continue le message de Jessica qui dit que l'un ou l'autre, ça lui va. En série, par contre, elle est plus Frère Scott, Glee, Camping Paradis, Clem, Chicago, Police Département. Sinon, il y a David qui nous dit série TV, je suis trop fan de The Walking Dead, Lee. Juju qui nous dit les séries avec The Walking Dead aussi, Noël qui nous dit les deux, et Priscilla qui nous dit je préfère les séries, à force les films on a vu tous les meilleurs, et elle a tout à fait raison. Noël, on l'embrasse. Oui, mais quand tu dis que les séries c'est bien, c'est sympa, mais un film ça reste un bon film, tu vas au ciné, tu prends ton popcorn, tu vas en amoureux. Ouais, t'es content pendant 1h30, 2h, et puis au final voilà, c'est fini. Une série, t'es content pendant des heures et des heures et des heures, et t'attends chaque semaine impatiemment que ton nouvel épisode sorte. Et d'un côté, tu regardes TF1, tu regardes autre chose, c'est pas le bon épisode qui passe et t'es méga frustré. Oui, mais en même temps, l'idée de regarder ces séries sur TF1. Où est-ce qu'on peut regarder alors? En streaming? Sur Netflix? Ouais, encore faut-il avoir Netflix. Eh ben, Netflix, c'est Netflix. Sinon, regardez sur iWatch.com, c'est un site de où on peut regarder en ligne les séries. Moi, je regarde que live, franchement. Il y a tout dessus, des émissions de télé, des séries, et c'est plutôt pas mal. On a encore quelques réactions sur Facebook, peut-être? Oui, on nous dit simplement les séries qu'ils aiment, que les auditeurs préfèrent. On nous dit Once Upon a Time, Dexter. Ah, Dexter, ah, j'adore. La série, bref. C'est fini, malheureusement, Dexter. Pourtant, c'était un cartonné, j'adore. Ah ouais, c'était vraiment super bien. On nous dit Les Frères Scott, Grey's Anatomy, évidemment, True Blood et Sex and the City. Et puis, on continue à vous lire, évidemment, jusqu'à 9h. Comment ça se passe pour interagir avec nous? Il suffit d'envoyer un message au 3044. Venez nous dire si vous préférez les films ou les séries, ou encore sur la page Facebook Summer Fun. Et on vous lit jusqu'à 9h. Fun Radio. Il est 7h sur Fun Radio, bon début de journée. J'espère que tout se passe bien pour vous qui êtes de l'autre côté de la radio. On s'informe en ce mardi 2 août 2016 avec Florence Vanloo. Comment ça va Florence? Tu es prête? Tu es ready? Oui, ça va, je suis prête. Allons-y, que se passe-t-il du côté de l'actu? Bonjour à tous, les résultats provisoires du CE1D ont révélé des taux de réussite relativement bas en mathématiques notamment. Le taux de réussite est seulement de 53,5% alors que son score moyen ne dépasse pas les 50,6%. Il s'agit du niveau le plus faible depuis 5 ans. 90% des élèves ont pourtant réussi leur passage en troisième secondaire. Les taux de résultats en langue sont également décevants. Par contre, les taux de résultats en français sont eux plus que satisfaisants. À l'étranger, les Nations Unies ont critiqué la décision du Premier ministre irakien ce lundi. Ce dernier souhaite accélérer l'application de la peine de mort. Les Nations Unies affirment que cela accélérerait les injustices avec les problèmes présents dans le système judiciaire. En juillet, El Abadi a ordonné la formation d'un comité pour identifier l'origine des retards dans l'application de la peine capitale. Il souhaite également formuler des recommandations afin d'accélérer les procédures. Le fondateur et actionnaire principal du

dépasser son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes font pire que Lucifer. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes. Sur Fun Radio, Alan Walker, Sing Me To Sleep, c'est ce qui arrive dans un instant. Et c'est bon ça pour démarrer la journée. Juste avant Coralie, on fait un tour du côté de l'éphéméride du jour en ce mardi 2 août 2016. Nous sommes le 215e jour de l'année et deuxième jour de la 31e semaine. Des bonnes fêtes à souhaiter. Oui, au Pierre, au Julien et au Euseb. Bonne fête à vous les amis. Et puis ce 2 août, et des stars sont nées. Oui, dont Priscilla Betty, c'est une chanteuse des années 2000. Tu peux nous chanter un petit extrait peut-être de ce qu'elle sait faire? Il fallait évidemment qu'on passe avec ça. Toujours pas d'amour. Et c'est mais tout ce que je connais ça en fait. Ça me parle vaguement, mais... Des appels au secours. Je connais plus en fait. Écoute, c'est quoi? J'adore. Je vais la chercher et prochaine épisode, eh ben, on le fait. On fait ça. Ok, ça va. Sinon, c'est aussi l'anniversaire de Michel Vernier. Ouais, cartonne. Qui est une comédienne française, et de Muriel Robin, qui est une humoriste française aussi. Eh bien, vous aussi, les amis, si vous avez votre anniversaire aujourd'hui et vous avez envie qu'on vous le souhaite, ou l'anniversaire d'un ami, bah, c'est très simple. Vous vous inscrivez par SMS au 3044 en envoyant anniversaire. On vous rappelle juste après. C'est toujours sympa, Coralie, hein, de souhaiter un bon anniversaire en direct, oui, sur Fun Radio. Dans un instant, en tout cas, côté Solène Florence, c'est Calvin Harris et Rihanna qui arrive. Et puis, j'étais juste avant, c'est Alan Walker, j'en perds mes mots, tellement bah, c'est vrai qu'il a mis l'Europe à ses pieds en quelques mois, parce qu'on peut dire qu'il cartonne évidemment Alan Walker depuis qu'il est arrivé sur la bande FM. Alors on se doit offrir d'ailleurs ses premières parties, puisque lui fait les premières parties de shows exceptionnels comme Rihanna, qui cartonne, hein, Rihanna évidemment. Il fait aussi la première partie du groupe Coldplay, dont il est un grand fan, et il a dévoilé d'ailleurs avoir sorti un remix de Him All For The Weeknd en collaboration avec Beyoncé, que vous allez pouvoir voir dès maintenant sur la page Facebook de l'émission Summer Fun. En tout cas, Alan Walker, c'est ce que je vous propose de se caler maintenant. Juste après, c'est Justin Bieber et Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Juste avant, Alan Walker, 7h08, bienvenue sur Fun. Montez le son. Wait a second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. Inside your head. Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Young Money. Nicki Minaj. Justin. Show you off. Tonight I wanna show you off. What you got? A billion could've never bought. We gonna party like it's 30-12 tonight. I wanna show you all the finer things in life. So just forget about the world we young tonight. I'm coming for ya, I'm coming for ya. Cause all I need is a beauty and a beat. Who can make my life complete? It's a que j'ai dansé sur ce titre étant jeune, Coralie, j'adore, un bon petit souvenir qu'on se faisait ce matin. Et 7h15, j'espère que tout se passe bien pour vous. Calvin Harris, Rihanna, This Is What You Came For, c'est ce qui arrive dans un instant. Et Coralie, on a 4 entrées à vous offrir pour partir au parc Walibi cette semaine. Oui, on a 2x4 entrées sur l'émission à vous offrir pour que vous puissiez profiter d'une journée tranquillement à Walibi, à profiter classe, des attractions, j'adore. À vous balader ou encore aller avec vos plus jeunes enfants qui puissent profiter du petit parc d'attractions pour enfants qu'il y a. Parce que oui, c'est ouvert à tout le monde. Il y a, c'est ouvert à tous les âges, aux plus jeunes, aux moins jeunes, aux peureux ou alors aux pas peureux. Bon, peut-être les plus âgés qui ont des problèmes cardiaques, on va éviter, mais sinon tout le monde y est invité. Il y a des petits restaurants, il y a de quoi boire un verre, c'est vraiment fait pour tout le monde. Donc, si vous voulez passer une journée à Walibi, eh ben envoyez dès maintenant Pulsar par SMS au 6322, c'est 1€ par message. Et puis vous retrouvez comme à chaque fois toutes les infos sur funradio.be. Coralie, on va retrouver Fabien Feyèche aux alentours de 7h40 comme tous les jours. Et aujourd'hui, comme on parle de films et de séries, qu'on est en opposition, on n'est pas d'accord tous les deux, on va en parler dans quelques instants. Eh bien, on a décidé de parler de Mickey Mouse. Est-ce que tu connais Mickey? Bah bien sûr. La famille Mickey, évidemment, ça aussi, ça fait partie des films et dessins animés, bien qu'ils ont cartonné dans notre adolescence. Ici, bah, Fabien, il a décidé de parler de Mickey, mais de téléphoner à un bar spécial Mickey. Écoutez. Fabien Feyèche. Mickey Bar, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Je m'appelle Fabien Feuillet, je suis bien chez Mickey. Oui, vous êtes au Mickey Bar, oui. Oui, il est là. Vous cherchez qui? Ben, Mickey. D'accord, ouais. Non, là c'est le Mickey Bar, monsieur, il n'y a pas de Mickey chez nous. Pourquoi? Il est parti là? Il s'est absenté? Mais pas de panique, parce que Mickey reviendra tout à l'heure, évidemment, aux alentours de 7h40, ainsi que Fabien Feyesh. Coralie, comment ça se passe pour interagir avec nous dans l'émission? Il vous suffit d'envoyer des messages au 3044, c'est 50 centimes par message, ou encore sur la page Facebook Summer Fun, je vous lirai tout au long de l'émission. Jusqu'à 9h d'ailleurs, parce qu'on parle des séries et des films. Moi perso, je trouve que les films, c'est franchement l'élément qu'il faut soutenir. Coralie, elle est à fond sur les séries. Bon, oui. Voilà, on n'est pas d'accord là-dessus. On va en débattre jusqu'à 9h. Vous avez envie d'interagir avec nous? Bah, ça se passe via les réseaux sociaux ou encore par SMS. Voici Kevin Harris, série à la 7h17 sur Fun. Welcome. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Sur Fun Radio, soyez les bienvenus. Je m'appelle Anto, toute l'équipe est au rendez-vous et vous écoutez Summer Fun jusqu'à 9h. Avec donc quelques secondes, Willy William et Paris. Info, scoop, people, médias, c'est le Club Buzz sur Fun Radio. Et un Club Buzz Coralie qui nous a été envoyé par Martin sur la page Facebook de l'émission, où on peut dessus retrouver la pire illusion d'optique du monde, surtout lorsqu'on est en bikini. Ouais, Effectivement, c'est une image qui affole la toile depuis hier en fait. Et à la base, la photo, c'est juste la photo d'un groupe de jeunes qui font une soirée, sont en train de boire un verre autour d'un lac ou près de la plage. Donc l'idée, c'est ça, oui. On les voit sur une plage de chalet, verre à la main, canette à la main, petite cigarette, et ils sont tous ensemble. Exactement. Et là, on va pour décrire un peu la photo. En fait, en avant-plan, il y a deux garçons. Et juste un petit peu derrière, il y a une fille qui est retournée. Donc elle est en bikini, elle est retournée. Ouais. Et il y a une illusion d'optique, en fait, parce qu'on a l'impression que la fille est nue. Tout simplement, donc sur la photo, elle paraît nue. Comment on voit ça ? Parce qu'à cause du bras de l'homme qui est juste devant, ouais. Et ben ça forme le creux de ce bras forme en fait ses fesses, tout simplement. La classe ! Donc en fait, le bras de l'homme donne l'impression qu'on voit le cul de la fille. Exactement, et il y a quelques jours, plus de 80 000 personnes ont halluciné devant cette image, devant l'illusion qu'elle provoque. J'espère qu'on voit pas trop les visages des gens. Heureusement pour la fille, on ne voit pas son visage. Par contre, les autres, ils sont tous cramés. Non, mais c'est des gars, tu vois, les gars, ils aiment bien ça, justement. Une bonne paire de seins, une bonne paire de fesses. Et hop, ça passe quoi. Bon, en tout cas, on va publier la photo dès maintenant sur la page Facebook de l'émission. Merci beaucoup à Martin qui nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Et puis vous aussi, si vous avez envie de partager un club buzz, un petit buzz média, un petit truc qui a été sur la toile, eh bien vous nous le envoyez dès maintenant par mail aussi à honto@funradio.me. Dans quelques instants, on vous rappelle comment choper vos places pour partir à Walibi et puis comment interagir avec nous pour parler des films et des séries. Tout ça et bien plus, c'est juste après ça. Ce week-end, vous allez à un spectacle comique ? Ou bien à la mer ? Avec le billet week-end de la SNCB, vous voyagez aller-retour à moins 50%. Et jusque fin août, votre billet week-end est valable encore plus longtemps, du vendredi matin au lundi soir. Infos et conditions sur letrain.be. Le train. L'auto présente le mois de Waouh. Le mois d'août, mais en plus waouh. Avec chaque semaine, un mercredi. Et chaque mercredi, 500 000 euros ajoutés au jackpot. Ce mercredi, près de 1 750 000 euros à gagner. Jouez au loto. Fun Radio présente Party Fun Live avec Kid Noise, vendredi 12 août à Malève-Sainte-Marie. Party Fun Live. À l'occasion des fêtes du 15 août, venez vous éclater avec Kid Noize pour un set exclusif avec Oksoun, DJ Party Fun. Party Fun Live. This is our summer legend. Kid Noize en live, c'est vendredi 12 août à Malève-Sainte-Marie, près de Pérouet. Plus d'infos sur funradio.be. Une organisation du comité du 15 août et TNT Musique. Fun, Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son. Dance Floor. Capitale, on était là. Quelques musiciens me donnaient la mélodie.

On peut saluer tous les taximans qui nous écoutent ce matin comme Taxi Momo, 7h31 sur Fun. Et comme toutes les demi-heures, on s'informe avec Françoise. Non, j'ai pensé Florence, j'ai dit Françoise, décidément. Avec Florence Valleau, salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. Un accident est à signaler sur le R20. La chaussée est complètement fermée à la circulation entre Vlaamspoort et Klein Castells. Elle restera fermée le temps du dégagement des véhicules impliqués. Cela fait 31 mois que l'inflation spécifique au secteur des services est supérieure à 2%. Cette situation est considérée comme dangereuse par le ministre fédéral de l'économie, Chris Peeters. Il a demandé au SPF Économie de mener son enquête. Le ministre CDNV est inquiet par la hausse des prix dans les cafés et restaurants. Il montre aussi son inquiétude dans le secteur des télécoms. Il souhaite connaître les raisons de cette augmentation. À l'étranger, le Texas vient d'autoriser le port d'armes sur ses campus universitaires publics. Cette décision intervient le jour de la commémoration des 50 ans d'une fusillade de masse dans une université texane. Les universités privées ne sont pas concernées par cette nouvelle législation. Les problèmes avec les armes surviennent de plus en plus dans les États-Unis. La Russie a attaqué le nord de la Syrie par des frappes aériennes. 12 personnes sont décédées dans cette attaque menée en représailles dans la destruction d'un hélicoptère russe qui a fait 5 morts, selon le Kremlin. Parmi les victimes, on dénombre 2 enfants et 10 adultes. La Russie aurait mené 33 frappes dans la région depuis que l'hélicoptère a été abattu. Personne n'a pour le moment revendiqué cette attaque. Une petite information insolite pour terminer ce flash avec une vidéo qui a fait le buzz durant les journées mondiales de la jeunesse qui se sont déroulées en Pologne le week-end dernier. C'est plutôt le père Franck Lebro qui est à l'origine de ce carton. Le prêtre, ancien danseur, a enflammé la foule lors d'un concert improvisé. En seulement 3 jours, cette vidéo a été visionnée plus d'un million de fois. Fun. Fun Radio. Dans un instant, côté son dance floor, c'est un petit souvenir qu'on va se faire. C'est Nathalie qui nous a demandé par SMS au 3044. Cobra Starship et Sabi, You Make Me Feel, c'est ce qui arrive. Juste avant, Florence, qu'est-ce que tu nous prévois côté météo? Un ciel très nuageux avec des périodes de pluie, des températures qui chutent. Elles seront comprises entre 14 et 19 degrés. En tout cas, la pluie a rejoint Bruxelles, c'est pas top top pour démarrer la journée. Hein. Exactement. Merci, j'espère, Florence, que cela va arriver. Le son dance floor continue avec Soprano sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Le meilleur cocktail de l'été. Soleil, détente et son dance floor. Avec Summer Fun, tous les jours jusqu'à 9h sur Fun Radio. Baby, I like it so. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like it so. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Where? one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Fun Radio. Radio. Fun. Fun Radio. Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Vous voyez, on est au taquet ici, on danse, on chante, on s'amuse. Era et Strefi Bonbon qui sera en interview exclusive dans quelques jours sur la page Facebook de Fun. Et bien en attendant, elle arrive côté Stonehenge Floor. Juste avant encore aller, on va retrouver notre ami Fabien Feuillèche qui cartonne. Alors en quelques mots, comment on pourrait décrire Fabien Feuillèche? Bah, Fabien Feuillèche, c'est un homme qui appelle simplement des gens par rapport à leur nom de famille pour leur faire un petit canular et ça nous fait assez bien marrer. Et franchement, c'est super sympa. On va l'écouter tous les jours de l'été parce qu'on va écouter le temps que Coralie s'étrangle et ses meilleurs moments durant l'été. Et aujourd'hui, comme on parle des films et des séries, eh bien on va parler de Mickey Mouse. Tu connais Mickey, évidemment, bien sûr. Avec ses différents dessins animés, ses films et puis aussi la magie de Disney. Aujourd'hui, eh bien on part du côté du Mickey Bar. Écoutez. Fabien Feuillèche. Mickey Bar, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Je m'appelle Fabien Feuillèche, je suis bien chez Mickey. Oui, vous êtes au Mickey Bar, oui. Oui, il est là. Vous cherchez qui? Ben, Mickey. D'accord, ouais. Non, là c'est le Mickey Bar, monsieur, il n'y a pas de Mickey chez nous. Pourquoi, il est parti là? Il s'est absenté? Oui, enfin, bon, ça s'appelle le Mickey Bar, c'est pas le bar de Mickey. Mais il y a qui là? Ben, il y a moi. Ah, il y a Donald? On ne comprend pas trop. Bon, monsieur, il n'y a pas de Mickey, il n'y a pas de Donald. Mais il y a qui alors? Il y a Daisy? Bon, monsieur. Bon, je ne sais souhaite une bonne journée. Au revoir. Je comprends rien. Mickey Bar, bonjour. Coucou, c'est Fabien Fouillet, je suis toujours chez Mickey. Vous êtes au Mickey Bar, oui. Donc voilà, parce que en fait, je vous explique, moi je voudrais savoir, c'est quoi les horaires du Space Mountain? Les horaires du Space Mountain. Si je viens à 15h, c'est bon ou pas? En fait, je cherchais Euro Disney. Donc je viens à 15h chez vous, ok? Non, pas chez moi, vous allez à Euro Disney. Ici, c'est le Mickey Bar. Ah voilà, je suis chez Mickey. Pas... Donc c'est bon, donc je viens... C'est le Mickey Bar, c'est pas le bar de Mickey. Donc bon, je... monsieur, oui. J'ai d'autres choses à faire, d'accord? Si on vient à 15h30, c'est bon? Bon, monsieur, au revoir. Mickey Bar, bonjour. Oui, c'est... Non, monsieur, arrêtez de me bloquer la ligne toute la journée. Non, mais je sais, mais j'ai juste une question. Parce oui, que, allez-y. Est-ce que c'est vrai que pour faire la tour d'Indiana Jones, faut faire 1m60? Ah, monsieur, c'est pas... Parce que... j'en sais rien, vous mais me posez si, des questions. Mais c'est important. Mais non, j'en sais rien, monsieur, vous êtes au Mickey Bar. Mais, non, mais... C'est une blague, c'est pas possible, vous êtes complètement abruti ou quoi? Mais non, mais c'est parce que c'est important, parce que mon cousin Thierry fait 1m58, vous allez quand même le faire passer, non? Putain, mais vous me saoulez, monsieur! Le Mickey Bar, bonjour. Bonjour! Encore? Oui, c'est bon, hein. Je viens à 17h. Je veux juste être sûr, est-ce qu'il y aura Picsou? Non, il n'y aura pas Picsou. Est-ce qu'il y aura Riri? Non, il n'y aura personne, monsieur. Fifi? Non plus, monsieur. Il n'y aura personne, alors je comprends pas. Non, pour la dernière... Non, tu sais quoi? Oui. Ok, viens à 16h30, 17h, je sais pas quelle heure. 17h, oui, 17h. Voilà, donc viens à 17h, hein. Oui. Tu te présentes à l'entrée, voilà, tu dis que t'es Fabien, je sais plus quoi, là. Fabien Feuillèche. Voilà, donc tu verras, il y aura tous tes amis, ça va être super. Et il y aura les 7 nains aussi? Voilà, il y aura les 7 nains, Grincheux, ça va être super, tu vas voir, on va te faire Disneyland dans ton cul. Ah, bah c'était pas vraiment prévu comme ça? Oui, bah c'est prévu comme ça maintenant, hein. Ah, d'accord. À tout à l'heure, connard. Fabien Feuillèche. Voilà, il y aura les 7 nains, Grincheux, ça va être super, tu vas voir, on va te faire Disneyland dans ton cul. J'adore ça, c'est trop drôle. Fabien Feuillèche qui revient évidemment demain aux alentours de 7h40. Coralie, aujourd'hui on continue à parler des films et des séries parce que on n'est pas du tout d'accord. Toi tu es complètement série, par exemple, quelles sont les séries que tu regardes pour le moment? Pretty Little Liars, Scream, Quantico, Dr House toujours évidemment, Desperate Housewives. Quantico c'est nouveau non? Oui exactement, c'est nouveau, c'est super bien, c'est... En quelques mots? Je m'étouffe. Ah c'est tout. En quelques mots c'est une série policière non? C'est pas ça? Le temps qu'elle réavale tout ça. Eh bien, ça aussi, c'est un aléa du direct. Vous voyez, tout peut se passer. On est un peu fatigué. Dans tous les cas, on va continuer à parler des séries dans quelques instants et puis des films. Parce que franchement, mon film préféré, bien, Monsieur Lesti, c'est le sujet du jour également. Et puis, on lira tous vos messages dans quelques secondes. Et puis, on va fêter votre anniversaire. Vous avez envie qu'on vous appelle, qu'on appelle l'un de vos potes. Vous inscrivez dès maintenant par SMS en envoyant Anif au 3044. À tout de suite. C'est l'été. Et qui dit été dit... Hé hey Phil, ça roule. Dis-je pars lundi en vacances. Tu peux me déposer à l'aéroport? Mais en fait, ce que votre ami veut dire, c'est... Phil, dis-je pars me dorer la pilule au soleil. Il faut que tu passes 2 heures dans les embouts pour me déposer et puis repartir chez toi. Enfin non, pas chez toi, au boulot. C'est lundi, c'est vrai. Allez, merci, hein, ciao. Rendez-vous service et faites plaisir à vos amis en devenant ami chauffeur. N'allez pas à l'aéroport, mais à une gare SNCB, où ils prendront le train de l'aéroport. Vous évitez les bouchons et pouvez même remporter des vacances de rêve. Participez au concours sur amichauffeur.be. Le train. Fun Radio. Le son. Dance Floor. This is buns, buns, dun, dun. Bet you wanna taste it, bun, bun. Bet you wanna taste it. It's your chitty, dun, dun, dun. King kiš. Vom drugu će mamu kore priše priš. Fjapmunci, jama ane. Sekur vtof ne hat. Et on démarre la journée ensemble sur Fun Radio, soyez les bienvenus, 7h48, passé de 2 petites secondes. Imani, Don't Be So Shy, c'est ce que je vous réserve côté Stone Dance Floor. Le temps pour nous d'appeler là en l'une d'entre vous pour vous souhaiter un bon anniversaire. C'est Aude qu'on va lui, téléphoner, non, qu'on va appeler ce matin pour lui souhaiter c'est un bon anniversaire. Elle a 20 ans, je pense, Aude, elle habite du côté de Binche. Et c'est son amoureux qui nous a demandé eh bien, de lui téléphoner ce matin. Il s'appelle Laurent. Et il nous a envoyé un petit SMS au 3044 et bien pour souhaiter un bon anniversaire à sa chérie. Allô? Allô, bonjour, Aude, comment ça va? Oh, Antoine. Ça se passe bien, Aude? Ah oui, je suis réveillée, mais c'est pas. Eh ben, c'est très bien parce que ce matin, on voulait tous ensemble souhaiter un bon anniversaire. 20 ans, ça se fête, et c'est ce qu'on voulait faire ce matin en direct sur Fun Radio à 7h48. Aude qui fête 20 ans, évidemment, bah ça se fête. Aude, c'est un âge important. Qu'est-ce que t'as prévu de beau pour cette journée anniversaire? Ah, aujourd'hui, rien de spécial, mais comme tu sais, ben, vendredi, on fête ça tous ensemble. Ah bah oui, ça va être plutôt sympa. En tout cas, Aude, tu vas pouvoir faire ça avec tous tes amis du côté de Binche dans le Hainaut. En tout cas, Aude, je te fais des gros bisous. J'espère que tu passeras une excellente journée. Puis bah, à très bientôt. Merci. On fait ça. Des bisous, Aude, du côté de Binche. Vous avez, vous aussi, envie de fêter votre anniversaire? Comment ça se passe? C'est très simple. Pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un que vous kiffez dans Summer Fun sur Fun Radio, envoyez Aniv par SMS au 3044. 50 centimes d'euros par SMS. Fun Radio. Après avoir traversé un désert, affronté une tempête musicale et devancé Neil Armstrong, Tintin est de retour à Bruxelles avec la STIB. Dès le 25 juillet, découvrez les cartes Moby Basic Tintin en boutique et kiosque à l'achat de 10 voyages. Dépêchez-vous, c'est une édition limitée. Bruxelles, c'est nous tous, la STIB. Fun Radio. It's our strangest feeling, feeling this way for you. There's something the way you move, something the way you move. With you I'm ever heating, it's heartache through and through. There's something the way you move, I don't know what it is you do. Not one bone in your body good enough for me. But this heart is open, blasting on my sleeve. C'est du son dance floor et de la bonne humeur tout l'été sur Fun Radio. Take a breath.

claqué avec lui ton bras. Regarde, je fais le mec qui claque, je crois que t'es pas bien avec l'autre gros là-bas là. D'ailleurs, les photos qui sont pétales là, c'était rempart quand même. J'ai un petit singe, cousin, il va faire un salto arrière. Allez, on continue ensemble. Les meilleurs concerts d'ailleurs Fun Radio sont prévus avec nous. David Guetta notamment qui sera en concert pour le Listen Tour. Ce sera le 21 octobre à l'Etias Arena d'Astel. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et puis j'ai un deuxième gros rendez-vous, c'est le 10 décembre prochain. On a le temps, mais on se prépare quand même avec la grosse bombe de Maître Gims. Vous avez envie de rester au courant de tout ce qui se passe, de tous les concerts et événements Fun Radio? Rien de plus simple, rendez-vous dès maintenant sur funradio.be. Avant ça, c'est Milo, 7h58, vous êtes sur Fun. Where did the summer go? I found it in Monaco. Dancing in Mexico, sushi in Tokyo. I wanna be where you are, driving a classic car. Cuba is not so far, I can bring my guitar. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Ah-hoo. Howling at the moon. Ah-hoo. Howling at the moon. Where is the summertime? Take me back to Hawaii. Skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles. So won't you fly with me? Have dinner in Sicily. Be who you wanna be, right where you wanna be. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there? Sur Fun Radio Coralie, j'espère que tout se passe bien, que vous allez bien également. Vous êtes sur Fun Radio. Fun Radio. Fun. 8h01, debout tout le monde. On s'informe en ce mardi 2 août 2016 avec Françoise. Oh là là. Florence Van Loo, comment ça va Florence? Peut-être que je vais te renommer Florence, Françoise, je ne sais pas. Mais oui, j'ai l'impression. Je ne sais pas, tu as eu une tête à t'appeler Françoise, je ne sais pas. C'est... Mais je vais te mettre un gros post-it devant, devant ton PC, facile. Comme ça tu le retiendras. J'espère. Que se passe-t-il dans l'actu aujourd'hui Florence? Les festivités du 15 août seront placées sous haute surveillance. Après les attentats de ces derniers mois à Banneux, la présence policière sera renforcée suite à la récente attaque dans l'église de Saint-Étienne de Rouvray. Pour ces festivités, surtout présentes en région liégeoise, 2000 pèlerins sont attendus sur le site de Banneux. Aucune menace n'est a déclaré lors de ses festivités. Cette décision est mise en place pour rassurer la population. À l'étranger, l'Ouest américain continue d'être ravagé par de gigantesques incendies. Ceux-ci s'étendent sur 100 km². La population a été évacuée et on déplore à l'heure actuelle une victime. La Californie est en proie à une sécheresse importante. L'Ouest américain n'avait plus connu une sécheresse de cette importance depuis 5 ans. Cela fait une semaine que l'incendie fait ravage sur la Californie. Le projet de référendum référendum pour révoquer le président vénézuélien Nicolas Maduro a été validé hier par le Conseil national électoral. Malgré cela, les archivistes faisant référence au nom de l'ex-président Hugo Chavez devront encore franchir plusieurs étapes. Aucune date n'a été révélée par les autorités électorales quant à la poursuite de ce projet. En sport, ce lundi, Naples a présenté celui qui pourrait devenir le remplaçant de Gonzalo Higuain en la personne de Milic. L'attaquant polonais a été présenté avant le match amical contre Nice. Une arrivée saluée par le président napolitain. Le transfert n'a pas encore été confirmé officiellement par le club. Milic est actuellement à l'Ajax d'Amsterdam. Une petite information insolite pour clôturer ce flash avec cette dame de 74 ans qui est devenue la nouvelle sensation du rap US. Sœur Bobby Lively, mieux connue sous le nom de Lyriacal Lively, est devenue une véritable star dans son pays. Âgée de 74 ans, cette ancienne professeure de théologie est devenue une icône grâce à son album de rap chrétien dans lequel elle chante son amour pour Jésus. Un succès qu'elle doit en partie à un jeune homme croisé dans une station service. Ce dernier a eu la bonne idée de se filmer en écoutant l'album. Un véritable succès pour l'homme et la septuagénaire avec cette vidéo retweetée plus de 58 000 fois. Et si on publie la vidéo sur la page Facebook d'ailleurs, parce qu'elle peut être franchement sympa, non? Ouais, ça vraiment c'est sympa. Et donc c'est une vieille, une personne âgée qui tchatche. Ouais, c'est une personne âgée, une vieille de 74 ans qui a fait un album et qui l'a donné à un passant dans la rue. Eh ben écoute, c'est plutôt pas mal, on va checker ça. Merci Florence. Fun Radio. Dans un instant, on sort Fun Radio côté Sundance Floor, c'est Enrique Iglesias. On va partir direction l'Espagne avec Duele el Corazon. On aura aussi Clean Bandit avec Tears juste avant côté météo. Florence, qu'est-ce que tu nous prévois pour cette journée? Rien de très bon avec un ciel très nuageux avec des périodes de pluie, des températures qui chutent. Elles seront comprises entre 14 et 19 degrés. Pas de barbecue aujourd'hui, c'est mort. Oh, je pense bien, ouais. Vu le temps maintenant sur Bruxelles et la drache qu'on a eu ce matin, c'est fini. Oui, c'est ça, je pense que ton barbecue, il s'éteint. Merci Florence. Le Sundance Floor continue avec The Chainsmoker dans Summer Fun sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Ah là, c'est énorme. Fun Radio. Are you ready? Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Fun. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Le son Dance Floor. Toute la journée, partout, suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. Tous les matins, c'est Summer Fun avec Anto sur Fun Radio. Crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. So don't let me down. I think I'm losing my mind now. in my head. Darling, I hope that you'll be here when I need you the most. Au 8h08 sur Fun, on démarre la journée ensemble. J'espère que tout se passe bien pour vous qui êtes de l'autre côté de la radio, où que vous soyez en Belgique d'ailleurs, soyez les bienvenus. Clean Bandit, c'est ce que je vous cale côté Sound Explore dans un instant. Le temps pour nous, Coralie, bien de dire qu'on... de vous rappeler évidemment qu'on a des places pour Walibi, 2x4 places à vous offrir. Oui, et dans quelques instants, déjà 4 places vont partir, donc c'est le moment ou jamais de vous inscrire pour repartir avec vos 4 entrées pour Walibi et passer une journée là-bas avec les personnes que vous voulez. 4 entrées, c'est franchement pas mal, on va pas se mentir. Surtout quand on regarde le prix d'une place, 4 places, c'est quand même franchement pas mal. L'avantage, c'est que c'est un nombre pair. Au moins, t'es sûr de pas être tout seul dans les attractions. Mais t'as 3 enfants et tu vas avec ton mari, tu fais comment? Eh ben, on a vite une 6ème personne et chacun ça, voilà. En tout cas, c'est exceptionnel. On vous offre 4 places, 2x4 places dans le morning et d'ailleurs toute la journée sur Fun. Alors, pour vous inscrire, pour participer, comment ça se passe? Il vous suffit d'envoyer Pulsar par SMS au 6322 et c'est 1€ par message. Et Samy nous a rejoint ce matin. Salut Samy. Salut Anto, salut à tous. Bah écoute, ça va, super. T'as pas eu la drache pour venir? Si, de ouf. J'ai pris une veste. Il a été intelligent par rapport à nous. Avec toi aujourd'hui, tu vas dans le I'm Sex and Fun. Tu vas parler de quoi? Je vais vous parler d'un proverbe sur l'amour et on va essayer de savoir si c'est vrai. Voilà. Et le proverbe? Tu veux que je te le dise moi? Ouais, qu'on est là à la bouche. Femme qui rit à moitié dans ton lit. Et d'ailleurs, est-ce que vous pensez que ce proverbe fonctionne? Est-ce qu'il est réaliste? Est-ce qu'il fonctionne peut-être dans les deux sens pour les hommes aussi? Eh bien, on en parle à 8h20 avec notre ami Samy. On va jouer au Battle Fun dans quelques instants pour vous permettre de repartir avec du cadeau. Et puis le meilleur de Sundance Lore, c'est ce que je vous cale. Jennifer Lopez, Ina, Enrique Iglesias, c'est ce qui arrive dans un instant. Juste avant, c'est Clean Bandit, 8h10. Bon réveil. And the truth will always haunt me, even though it set me free. And my tears flow like the ocean as they floated in the breeze. They were falling in slow motion and they brought me to my knees. Oh, you're haunting me, taunting me, all in my brain. Turn out the light and now all that remains fills me with doubt and I'm shouting your name out loud. Do you wanna put me through the pain? I get the feeling I'll never escape. I can't hide away from the shame of you. Tears on the ground, tears on my pillow. You won't bring me. J'appelle là en l'une d'entre vous dans moins de 4 secondes. Le temps d'écouter Enrique Iglesias et Duel Corazon. Donc dépêchez-vous, vous envoyez dès maintenant Pulsar par SMS au 6322. Duel Corazon, c'est ce qui arrive dans un instant. Et puis j'ai du cadeau à vous offrir également en plus des places de Walibi. On vous envoie la descente de la Lesse qui aura lieu toute cette semaine encore. Et même parce que la descente de la Lesse, franchement, c'est le truc à faire pendant l'été. Ah oui, absolument. Ça cartonne. Et bien pour cela, on a un extrait à vous faire écouter. Alors évidemment, aujourd'hui on parle des films et des séries, donc c'est un rapport. Je vous fais un clin d'œil d'un film. À vous de retrouver de quel film ça vient. Si vous me donnez la bonne réponse par SMS au 3044, et bien vous repartez avec du cadeau. Écoutez. On dit pas, pardonnez-moi, je n'ai pas bien saisi le sens de votre question. On dit. Non, cherchez le 1 de 1 de tronche. On dit 1. Alors, qui dit 1 dans quel film dit-on 1? Eh ben, dites-nous dès maintenant par SMS au 3044. On va réécouter encore une fois. On dit pas, pardonnez-moi, je n'ai pas bien saisi le sens de votre question. On dit 1. Non, cherchez le 1 de 1 de tronche. Le 1 de 1 de 3. Alors, qui prononce. Pas qui? Bah, si, allez. Si vous dites de quel est l'acteur qui dit le 1. Et puis de le film, eh bien un ou l'autre, vous l'envoyez dès maintenant par SMS au 3044. On appelle l'une d'entre vous dans, allez quoi, 10 minutes. C'est un concours de rapidité et on vous envoie du cadeau à la maison. On va également appeler l'une d'entre vous pour repartir avec vos places pour Walibi. Il s'agit de Christine qui habite en Derby. Salut Christine. Oui, bonjour. Ça va? Est-ce que par contre tu peux juste éteindre ta radio derrière? Oui. Christine, comment ça va ce matin? Ben ça va. Ça va bien? Très bien. Bon, eh bien écoute, tu habites en Derby, juste à côté de la cité du Gilles. En plus, Banche, hein, qui est pas très très loin de chez toi. Oui. La classe. Bon, on est presque voisins parce que je viens de Binche, donc c'est pour ça que on le citait, ma chère Christine. Voilà, c'est ça. Il faut bien vendre un peu son patrimoine. Christine, en tout cas, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Tu repars avec tes 4 entrées pour Walibi. Bravo. Merci. Tu pourras y faire évidemment les plus grandes attractions du pays. La Pulsar, la nouvelle attraction en plus qui vient de sortir, qui cartonne. Et puis plein d'attractions avec sensations fortes, Coralie. Exactement, dont le Dalton Terror, le Loup-Garou, le Cobra ou encore le Vampire. C'est les plus connus généralement. Ou alors il y a la Rivière Sauvage aussi, la Raja River. Ça j'adore, Je les kiffe, je les connais toutes, je les ai toutes faites, je les adore, j'y retourne volontiers. Et bien en tout cas, on t'envoie tout ça à la maison, ma chère Christine. Avant de se quitter, est-ce que tu as peut-être une préférence pour les films ou les séries ce matin? Les films. Moi j'aime bien les séries, Les séries, tu vois. Est-ce que tu as une série à nous conseiller, celle que tu regardes le plus pour le moment? Moi ce sont Les Experts. Les Experts, les indétrônables experts. Ça évidemment on peut pas passer à côté. Et ben en tout cas Christine se fait des gros bisous du côté d'Andarlu. Passe une excellente journée. Et puis reste bien en antenne, on va prendre tes coordonnées. Vous aussi vous avez envie de choper vos places pour Walibi, vous envoyez dès maintenant Pulsar par SMS au 6322 pour 1€ le message. Et en chopant dès maintenant toutes les infos sur funradio.be. Côté Stone and Floor, c'est Jennifer Lopez qui arrive, ainsi qu'Enrique Iglesias et Duel Corazon sur Fun. Bienvenue. Solo en tu boca. Yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. 8h19 sur Fun Radio, Jennifer Lopez, Ain't Your Mama, c'est ce qui arrive dans un instant. Le temps pour nous de réécouter l'extrait du Battle Fun, c'est un jeu express, c'est-à-dire qu'on vous balance l'extrait, vous reconnaissez, vous envoyez un petit message au 3044, et puis, eh bien, on rappelle l'un ou l'une d'entre vous, on va réécouter l'extrait. On dit pas, pardonnez-moi, je n'ai pas bien saisi le sens de votre question, on dit Oh non, cherchez le 1 de 1, 2, 3, je... On dit C'est un film qui a cartonné, qu'on a tous pratiquement vu. Moi, c'est un de mes films coup de cœur préférés. En tout cas, on a Marie qui a 49 ans, qui a retrouvé la bonne réponse. Elle est avec nous au standard. Salut Marie. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Mais écoute, très bien. Tu nous appelles de quel Mieux coin? Mieux que le temps, toujours. Mieux que le temps. C'est vrai qu'aussi, à Bruxelles, on a la drache. Hein, en tout cas, Marie, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu préfères les films, les séries? Si oui, lesquelles? Parce qu'on est en conflit avec Coralie depuis ce matin. Moi, perso, je trouve et je prône le fait que, évidemment, les films sont beaucoup mieux parce qu'ils sont parfois plus travaillés, plus le temps, ça buzz un peu plus que les séries. Ouais, tu regardes ça de temps en temps. Mais c'est tout. Super fort travaillé, les séries. Attends, ça demande. T'imagines pas tout ce que ça demande pour faire autant de saisons, pour à chaque fois que recréer l'histoire, pour maintenir le suspense, pour savoir l'épisode doit se finir à ce moment-là, pour pouvoir donner envie de regarder ensuite le nouvel épisode, tu vois, c'est plein de petits détails. En général, les gens disent quoi dans toutes les réactions qu'on a reçues? Ils préfèrent les films. Non, ils préfèrent les séries. Ouais, les films. C'est parce que les séries, je t'assure. Tu ne sais pas lire, on va regarder ensemble après. Est-ce que toi, Marie, tu es plus film ou série ce matin? Moi, je suis plus une fille, donc j'aime mieux les séries à l'autre. Je pense que c'est moi qui t'offre les places, donc tenir avec moi, c'est pas mal aussi. Pour les prochains qui vont passer après, hein. Comme ça. Et si tu es ensemble, c'est bien connu. Hein. Et si tu as par exemple un coup de cœur, une série à nous recommander ce matin? Pour le moment, non, ce seront les séries policières. Une nouvelle série d'ailleurs qui vient de sortir. Esprit criminel, sur TF1 hier en plus. J'ai kiffé. Ouais. Est-ce qu'une nouvelle série policière qui vient de sortir? Oui, c'est Quantico, c'est une série avec le FBI. Et donc en fait, pour vraiment rassembler tout, c'est une fille qui veut rentrer dans le FBI, qui va se faire accuser de terrorisme et qui va se faire poursuivre par le FBI même. Et ben en tout cas, ce sera à checker. C'est une nouvelle série voilà, qu'on te conseille, Marie, ce matin. Et écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi quand même, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Tu repars avec ton entrée pour la descente de la Lèze, bravo! Ouais! C'était super. La bonne réponse. Dans quel film était tiré l'extrait qu'on a écouté? Mais c'était Danny Boone, les Ch'tis, bien sûr. C'était Danny Boone, bienvenue chez les Ch'tis, évidemment. On l'a tous reconnu, c'était obligé. Un film culte qui a cartonné et qu'on connaît tous, évidemment. Alors, Marie, je te fais des gros bisous. Tu restes bien en antenne, on va prendre tes coordonnées. Et puis, on se retrouve très bientôt. Ok, à bientôt. Salut Marie, des bisous. Des concours comme ça, il y en aura tous les jours. Il y en a également sur la page Facebook de l'émission. Alors, restez bien connectés avec l'émission parce qu'on a justement plein de choses pour vous. Dans un instant, c'est Jennifer Lopez qui arrive avec Ain't Your Mama. Juste avant, Céina et Sunny Top sur Fun Radio.

jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur Fun Radio. Sometimes it's hard just trying to hold on. Fell so far. Merci d'être branché sur Fun, bonne journée. 8h33, on s'informe comme toutes les demi-heures sur Fun avec Florence Van Loo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. La durée de conservation des données conservées par la Sûreté de l'État sur les citoyens sera limitée à partir de mercredi. L'arrêté royal a fixé la durée de conservation de ces données par la Sécurité de l'État à 50 ans. On retrouve malgré toutes quelques exceptions dans cet arrêté. Cela fait 18 ans que ces décisions étaient attendues. Contrairement à la CIA, la Sûreté de l'État n'a pas pour tradition de rendre publiques des informations classifiées après un certain délai. Infrabel a décidé de ne plus rendre public les chiffres annuels concernant le nombre de suicides sur le rail. Le gestionnaire du réseau ferroviaire avait il y a 5 ans décidé de limiter sa communication concernant ces actes. Ils viennent de déclarer qu'aucune information ne serait donnée quant aux circonstances et lieux précis d'un acte de désespoir. Infrabel va plus loin encore puisque les statistiques ne seront plus dévoilées. À l'étranger, ce mardi, la vente des 80 modèles Volkswagen a été suspendue à Séoul. La ville a également infligé au groupe allemand une amende de 14 millions d'euros pour des problèmes d'homologation. Cette affaire survient alors que l'enquête sur le scandale des moteurs truqués est toujours d'actualité. Le ministère de l'Environnement a précisé que cette interdiction portait sur 83 000 véhicules appartenant à 80 modèles du groupe. Cette suspension est liée à des documents falsifiés concernant les niveaux d'émissions et de bruit. Le réseau social Instagram vient d'ajouter un nouvel outil. Il devrait permettre de combattre le harcèlement et de faire de la du populaire réseau social de partage de photos et de vidéos un endroit plus sympa. Dernièrement, Instagram a commencé à permettre aux titulaires des comptes les plus suivis, dont chaque publication attire de très nombreux commentaires, de filtrer les réponses qu'ils reçoivent. Une petite information insolite pour terminer ce flash avec le phénomène Pokémon Go qui prend de plus en plus d'ampleur aux quatre coins du monde. Aux États-Unis, la police a même décidé de s'en servir afin de faire venir des individus recherchés au commissariat. La manière est plutôt saisissante au premier abord puisque les policiers affirment qu'un des plus rares Pokémon est dans le commissariat. Problème, celui-ci est trop petit et ne peut hélas accueillir que 8 personnes tirées au sort par l'ordinateur. Il s'agit en réalité d'un piège car les personnes sélectionnées sont recherchées. Néanmoins, la police a conscience qu'ils ne présenteront certainement jamais. Fun. Fun Radio. Dans un instant, on fait le tour du côté de l'agenda l'été. Qu'y a-t-il à faire aujourd'hui en Bruxelles et en Wallonie? On en parlera avec Coralie. On va également s'intéresser au proverbe « Femme qui rit à moitié temps son lit avec Samy ». On a encore du cadeau à vous offrir. Plein de surprises arrivent dans la suite. Juste avant, côté son dance floor, c'est David Guetta et Zara Larsson avec le titre de l'Euro 2016 « This one's for you ». Et puis côté météo, Florence, qu'est-ce que tu nous prévois aujourd'hui? Un ciel très nuageux avec quelques périodes de pluie. Les températures sont en chute. Elles seront comprises entre 14 et 19 degrés. Merci Florence. Le son dance floor continue avec Boosty dans Summer Fun sur Fun Radio. Fun Radio. Fun. Summer Fun. Je ne serai plus jamais seul. Tu ne seras plus jamais seul. On ne sera plus jamais seul. Je ne serai plus jamais seul. Tu ne seras plus jamais seul. On ne sera plus jamais seul. Accroupi à pleurer dans un coin de mon appartement, je rêve de retrouver le bonheur que j'avais auparavant. J'ai beau réaliser que ma nouvelle pièce est cool, je commence déjà à m'étouffer dans ce 10 mètres carrés. Diplômé, indépendantisé, je ramène des copines, coquines, mais je fais que teaser. Non, je veux pas être trentenaire, je rêvais d'une indépendance, mais là j'en tremble. Cause I don't wanna be alone, I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. My friends are gone, I'm all alone. On and on and on and on. Feet I don't like water. Je me balade dans la rue de ma ville. Je tape dans les canettes vides, ça me fait baler. Tout le monde est speed, je me sens tellement inutile. Franchement faut changer d'attitude. Pas un seul employeur ne s'intéresse à mes aptitudes. Prisonnier et déshumanisé. J'ai cru pouvoir tout gagner, mais je ne sais pas miser. Non j'ai pas une vie droit, mais pourtant mes parents pensent que j'accumule les victoires. Cause I don't wanna be alone, I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. Jamais seul et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul. Même si nos vies sont casse-gueule, et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul et on ne sera plus jamais seul, même si nos vies sont casse-gueule. C'est d'être sur Fun Radio, on démarre la journée ensemble, 8h39. Dans quelques secondes, c'est l'hymne officiel de l'Euro 2016 qui arrive. Il cartonne ce titre, hein, le duo David Guetta, Zara Larsson, This One's For You. Et c'est juste après ça. I'm sexy and fun durant l'été. I'm sexy and I know it. Ou pas. Et aujourd'hui, Samy, tu vas nous parler d'un proverbe qu'on connaît tous et toutes et qui nous fait bien rire. Exactement, femme qui rit à moitié dans son lit. Tout le monde connaît le dicton, il suffirait apparemment de faire rire une femme pour qu'elle soit déjà à moitié conquise. Bah, ça peut être vrai. Ça peut être vrai. J'aimerais qu'on me dise, les femmes dans le studio, hein, Coralie par exemple, si c'est vrai ou pas. Non. Non, c'est pas vrai. Non, bah non, parce que regarde, Antoine, il me fait tout le temps rire et au final. Bon, en tout cas, j'ai posé une question hier sur Twitter. Je vous ai demandé si vous pensiez que c'était vrai ou faux. Et vous êtes 59% à trouver que le dicton est faux. Donc, 59% à penser que c'est faux. 59, voilà. D'accord. Et 41% à penser que c'est vrai. Alors, j'ai fait quelques recherches sur Internet pour savoir finalement d'où venait ce proverbe. Alors, d'après des psychologues. Un truc sérieux. Ouais, donc j'ai oublié le nom d'ailleurs, mais c'est pas grave. La capacité d'un homme à faire rire dévoilerait en fait ses capacités intellectuelles et sociales. On a des psychologues évolutionnistes, non? Et donc ils évoluent. C'est vrai. Mais c'est vrai. Exactement. C'est des psychologues qui analysent au fur et à mesure. Du coup, la femelle jugerait comme un candidat acceptable ou non l'homme pour prendre soin d'elle et assurer sa descendance. Donc c'est un peu comme une sélection du meilleur papa potentiel. Voilà. Mais ce qui peut être sympa en tout cas par rapport à ça, c'est surtout que ben en fait un homme peut devenir beau juste parce qu'il est drôle. Ouais, mais c'est vrai que ça accentue la confiance en soi et tout, on se sent mieux et donc on est plus beau. Donc ça peut rassurer aussi tous les mâles qui nous écoutent ce matin et qui sont très laids ou pas très jolis, mais ils ont de l'humour et donc bah pas de panique messieurs, vous allez pouvoir pécho quoi. Exactement. Alors l'humour c'est bien, mais n'oubliez pas de ne pas abuser et de ne pas tomber dans la friend zone hein, parce que c'est bien de se taper des big délires, mais la friend zone c'est quand même dur de s'en sortir. Ça, c'est le truc que tu adores, la friend zone. Non, je n'adore pas. Voilà, je peux vous dire que c'est dur d'en sortir, ça fait des victimes chaque jour et on franchement c'est pas cool. Quelle est la friend zone pour ceux qui ne connaissent pas? Alors la friend zone c'est quand on essaye de draguer et que on est mis dans la case ami, tu vois. Ouais. Voilà. C'est difficile d'en sortir. Et qu'après on dit ah mais en fait j'adore être pote avec toi alors que toi tu non, veux juste pécho la comme mon frère en fait. Et là tu dis oh merde. Exactement. Voilà, c'est tout pour moi. Eh ben on peut peut-être retrouver tout ça mais maintenant sur la page Facebook pour trouver d'autres conseils. Exact. Est-ce que je me suis posé la question quand j'ai lu ton sujet tout à l'heure, est-ce qu'en fait ça peut être la même chose pour les hommes? Parce qu'en fait on parle des femmes, on dit ouais les femmes on peut les séduire parce qu'une fois qu'on rigole c'est écoute, bon. Est-ce que pour les hommes c'est la même chose? Des études sur ça, je ne sais pas. Eh ben moi j'ai la réponse justement la réponse parce que je me suis renseigné dessus. Ouais. Eh bien pas du tout, ce n'est pas la même chose parce qu'un homme n'a pas spécialement envie que la femme soit drôle. Bah ouais. Par contre, si la demoiselle réagit correctement et positivement aux blagues de monsieur, eh ben pour l'ego masculin évidemment c'est génial. Et donc là il y aura évidemment un petit truc en plus qui se passera du côté de ces messieurs. Exact. En tout cas, tu reviens la jeudi pour une chronique bon plan. Les bons plans étaient, ouais. Et donc, et la semaine prochaine, un nouveau I'm Sex and Fun, très drôle aujourd'hui en tout cas sur cette citation. C'est vrai que finalement, on l'a jamais analysé. Hein. On sait que ça existe, mais on n'a jamais analysé ça. En tout cas, merci à toi, Samy. Vous avez envie de vous réagir à l'émission, c'est très simple. Vous envoyez tout ça dès maintenant par SMS au 3044. Côté Stone and Floor, c'est David Guetta et Zara Larsson qui arrivent avec le titre qu'on connaît, qu'on adore, l'hymne national de l'Euro 2016 à 8h42. Voici This One's For You sur Fun. So let's keep living till it all falls down. Let's close our eyes and let the moment drown our whole world out. We're in this together. Hear our hearts beat together. We stand strong together. We're in this together. Bruxelles, Liège, Namur, La Louvière, vous êtes sur Fun Radio et tout se passe bien. Vous écoutez Summer Fun jusqu'à 9h avec dans quelques secondes la bombe de Maître Gim qui sera en concert avec nous le 10 décembre prochain à l'heure. Toutes les infos sur funradio.be avec ma beauté, le temps pour nous et bien de re-souhaiter des bons anniversaires aujourd'hui car oui c'est vrai, on fait normalement la séquence qu'une fois sur la journée mais là on a eu tellement d'SMS Coralie qu'on s'est dit on va quand même souhaiter des bons anniversaires oui, à tous nos chers auditeurs. On a Antoine qui est avec nous qui habite Waïcourt. Salut Antoine. Salut. Comment ça va ce matin? Bah ça va. Alors toi ce matin, tu voulais te souhaiter un bon anniversaire à Jonathan. C'est qui pour toi Jonathan? C'est mon frère. C'est ton frère, il a quel âge aujourd'hui? 32 ans. 32 ans, eh bien j'espère qu'il est réveillé ce matin. Bon 8h46, j'imagine que oui. On va l'appeler en direct, juste après on aura Marion qui elle veut souhaiter un bon anniversaire à Wendy. Ça sera dans un instant. Est-ce, qu'est-ce qu'il fait Jonathan à cette heure-ci, Antoine? Il travaille normalement. Il travaille dans quoi? Il est maçon. Il est maçon. Donc Jonathan, 32 ans, il a fêté son anniversaire sur Fun Radio ce matin. Vous êtes bien sur la messagerie vocale de Muro Jonathan. On va lui laisser un message. Je ne suis pas disponible pour l'instant. Laissez votre message avec vos coordonnées et je vous rappelle dès que possible. Merci. Jonathan, bienvenue sur Fun Radio. J'espère que tout se passe bien pour toi. On avait une bonne nouvelle ce matin. On voulait te souhaiter un joyeux anniversaire. Avec ton frère Antoine qui est là. Comment ça va Antoine? Ça va, ça va. Est-ce que tu as un petit mot pour Jonathan ce matin? Je vais te souhaiter un joyeux anniversaire et merci pour tout ce que tu fais pour moi dans la vie. Eh bien voilà, on fait des bisous les amis. J'espère que tu passeras une excellente journée Jonathan. À très bientôt Antoine. Merci de nous avoir appelé ce matin. On a également Myriam qui était avec nous par téléphone. Lui, il voulait appeler Wendy. Salut Myriam. C'est Marion. Pardon. Excuse-moi. On va dire que Coralie écrit très mal. Comme on dirait que c'est sa faute. Comme ça. Ouais, ça va. Oh là là. Comment ça va ce matin Marion? Ça va bien, très bien. Alors toi tu as 28 ans, tu habites René, malheureusement la pluie, ouais, ça c'est un peu le mauvais côté. Mais ce qui est bien c'est que tu peux retrouver le soleil grâce à Summer Fun ce matin. Donc c'est plutôt pas mal. Toi tu vas appeler Wendy, c'est qui Wendy pour toi? C'est ma meilleure amie. C'est ta meilleure amie, elle a 25 ans ce matin. Qu'est-ce qu'elle fait à cette heure-ci? Elle est employée de banque. Elle est employée de banque, et on espère qu'elle va pouvoir nous décrocher entre deux clients, entre deux transactions. D'ailleurs si elle veut nous faire des dons pour son anniversaire vu qu'on l'appelle ce matin, c'est avec grand plaisir. Wendy, donc qu'on appelle pour lui souhaiter un bon anniversaire. C'est plutôt mignon tous les engagements qu'on a eu ce matin. C'est oh là là, ça donne un boom au cœur. Bonjour. Ah voilà. Vous êtes en contact avec la boîte à messages. Encore une boîte à messages. 0 4 8 6 5 0. C'est pas grave. Au moins tout le monde pourra souhaiter un bon anniversaire à Wendy. Pour terminer, appuyez sur le carré. Ah non, rien à voir. Merci et au revoir. Wendy, bienvenue sur Fun Radio, c'est Anto. Je voulais te souhaiter un très joyeux anniversaire ce matin. Toute l'équipe se joint à moi ainsi que Marion pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Et Marion, tu as un petit mot peut-être pour Wendy ce matin? Bon anniversaire nounou et à tout à l'heure. On te souhaite nous aussi un bon anniversaire Wendy. Je te fais des gros bisous. Et puis n'hésitez pas à nous faire des petits selfies de tout ce que vous pouvez faire ce matin. Je te fais des bisous Marion, à très bientôt. Ouais. À toi, salut. Bisous. Vous avez-vous envie de jouer avec nous et puis peut-être souhaiter un bon anniversaire? Comment ça se passe? C'est très simple. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maeva Carter, Miko C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Welcome in the biggest clubbing club. Party Fun. Party Fun. L'émission club de référence en Belgique. C'est sur Fun Radio. Proximus présente. Tiens, t'as vu? Toutes les balles sont sur Proximus TV. Attention, t'es prêt? Alors écoute bien, ça c'est quoi? Oh, bah facile, basket. Ouais, et ça? Le tennis. Ouais, ouais, absolument. Attention maintenant, plus dur, ça? Football, balle de foot dans les boules, classique. Oh, t'es fort, hein? Toutes les balles sont sur Proximus TV avec All Sport. Football, NBA, NFL, tennis, le tout pour seulement 14,95€ par mois. Et le premier mois est gratuit. Plus d'infos sur proximus.be/sport. Proximus, infiniment proche. Loto présente le mois de Waouh. Le mois d'août, mais en plus waouh. Avec chaque semaine, un mercredi. Et chaque mercredi, 500 000 euros ajoutés au jackpot. Ce mercredi, près de 1 750 000 euros à gagner. Jouez au loto. Le son Dance Floor. C'est Fun Radio. Rolling down the river. My worries drown. They say that I'm a sinner, but I won't let you down.

This is all for your lies. Listen out for your mind. You're killing me over love. Sur Fun Radio, merci d'être là. Avec la voix qui part un peu en arrière comme ça, Dimitri Vegas, Like Mike, on va se remotiver. Arcade, c'est ce qui arrive. Côté Sound Dance Floor dans un instant. Juste avant Coralie, on va s'intéresser à ce qu'il y a à faire à Bruxelles et en Wallonie aujourd'hui. C'est l'agenda de l'été. On commence avec le Recyclar Holidays 2016. Oui, et je vous donne donc rendez-vous à la gare de Bruxelles-Chapelle, qui est le centre d'une animation pour toutes les vacances. Vous pouvez profiter gratuitement de musique, d'expos, d'ateliers, de photos, de films ou encore de jeux. Et tout ça, ça se passe à l'extérieur et à l'intérieur de la gare. On peut tout y faire, quoi, en gros. Exactement. Ça se passe quand? Ça se passe tous les jours pour le moment. Et ça entre 19h et 5h. 19h et 5h, donc c'est ouais. Toute la nuit que ça dure. Exactement. Et un site peut-être sur lequel on peut retrouver des infos? www.recyclar.be. Là on change complètement d'endroit, on s'enfonce dans les grottes. Oui, et vous pouvez donc venir découvrir ce véritable limpirade de plusieurs hectares qui a été creusé par l'homme. Vous pourrez apprendre ses secrets archéologiques, architecturaux, l'art, la mycologie ou encore ses légendes et croyances populaires. Ça se passe dans les grottes de Fox-les-Caves et ça se passe à Fox-les-Caves évidemment. Peut-être un site internet, on peut trouver plus d'infos? www.foxlescaves.com. Fox-les-caves.com. Et d'ailleurs, ce qui est plutôt sympa avec ces grottes, c'est qu'elles sont à vendre. Exactement, elles sont à vendre au prix de 350 000 euros. Donc, si vous avez envie de vous offrir une petite grotte, eh ben, allez-y. L'info est très sérieuse. Hein. On vend les grottes sur internet. C'est plutôt pas mal. Merci beaucoup, Coralie. Avec on publie plaisir. Tout ça dès maintenant sur la page Facebook de l'émission. Tantôt, Samy, avec toi, on parlait du proverbe femme qui rit à moitié dans ton lit. Ouais. J'ai même pas posé la question. Est-ce que toi, tu mets les femmes dans ton lit? Bah écoute, hier, j'ai encore regardé. Il y avait personne dans mon lit. Pauvre de toi, et ça va. Et je sais que j'en fais rire des femmes. Anto, je te le dis. Je ne sais pas comment on va réagir à ça. En tout cas, peut-être qu'il vous fait rire tous les matins quand il vient nous voir, Samy. Ben voilà, on va vous passer son numéro en antenne. On va jouer un peu Lovin' Fun le matin. Samy, ça peut bien être sûr. Sympa. Bien sûr, écoute, oui, pourquoi pas. Grâce Allez. À Fun, tu vas pouvoir choper et sortir de la friend zone. Ça peut être plutôt sympa. On peut quand même dire, il est tout mignon. Il a des cheveux un peu blonds, bruns parce qu'il s'est décoloré. Il a un teint un peu. Mais il fallait pas dire ça. Mais si, parce qu'on va faire une photo. Ça fait on va faire une charme. Photo en gros plan pour mettre sur la page Facebook pour voir si ces demoiselles vont rire de cette photo, justement. Ouais, exactement, super. Mais il s'habille très bien sinon, quand même. Ça, c'est vrai. J'adore ton pull. Merci. Il n'est pas très radiophonique, mais on va encore une fois publier ça. Je boucle de l'émission. Merci d'être là, les amis. Fun Radio. 9h sur Fun Radio. La journée démarre ensemble et on s'informe comme toutes les demi-heures avec Françoise. Je pense à Florence. Je viens de lire. J'ai écrit Florence en gros sur ma feuille. Et je viens de lire, je ne sais pas, ça ne marche pas. Il y a un truc entre nous, ça ne fonctionne pas. Bah, je sais pas ce que t'as. Tellement on rigole entre les pauses, je n'arrive pas à faire ça. C'est pas sérieux. Allez, Françoise. Tu veux que je le fasse? C'est pas possible. Vas-y, essaye, Coralie. On fait le tour de l'actu avec Florence. Salut Florence. Salut Coralie, bonjour à toutes et à tous. À partir du mois de septembre, les médecins généralistes recevront une formation supplémentaire. Ils seront formés pour lutter contre les ravages de l'alcool chez leurs patients. Le programme consistera en 16 journées de formation données par des spécialistes des différentes universités avec un diplôme scientifique à la clé. En Belgique, le mauvais usage de l'alcool est la deuxième cause de décès. Moins d'un patient sur 10 est traité correctement. Les chiffres dévoilés par l'Institut belge de la sécurité routière annoncent une baisse de 14% d'accidents de voiture, dits corporels, entre 2010 et 2015. Ceci est une moyenne nationale car les chiffres sont bien différents dans la capitale. À Bruxelles, le nombre d'accidents avec lésions est en stagnation. Les piétons et cyclistes restent les plus touchés par les accidents dans la capitale. À l'étranger, le trafic aérien devrait revenir à la normale chez Air France. Cela fait déjà 7 jours que les ETC et stewards d'Air France sont partis en grève. Les syndicats de personnel navigants commerciaux n'excluent pas de déposer un nouveau préavis de grève. Ils estiment que la direction a fait le choix de la rupture du dialogue social. La compagnie aérienne compte faire voler 100% de ses vols long courrier et près de 90% de ses vols intérieurs. En sport, football, un nouveau sélectionneur a été nommé par la Fédération de football en Argentine. Edgardo Bozza aura pour mission de convaincre Lionel Messi de revenir dans l'Albi Céleste et de qualifier l'équipe nationale pour le Mondial 2018 en Russie. Messi a annoncé mettre un terme à sa carrière internationale il y a un peu plus d'un mois. L'Argentine entière espère que le prodige changera d'avis. Une petite information insolite pour terminer ce flash. Et on a trouvé la solution si vous souhaitez jouer à Pokémon Go sans vous déplacer. Une internaute quelque peu fainéante, mais tout de même intéressée par le jeu, a décidé de placer un gilet avec son smartphone posé dessus sur une poule. Et oui, Pokémon Go n'est pas uniquement un jeu pour les petits et grands. Il est également accessible à tous les animaux possédant un smartphone. Et comment ça fonctionne ? Eh ben, tu mets le smartphone sur le dos de l'animal, okay, oui, et l'animal voyage, il se promène avec le smartphone sur son dos. Mais en fait, Pokémon Go, c'est vrai qu'on peut en dire plein de choses. Finalement, c'est fédérateur comme application. C'est quand même pas mal. Oui, et il y a tout le monde qui l'utilise parce que je viens de voir dernièrement que même aux États-Unis, Hillary Clinton et Donald Trump l'utilisaient pour leur campagne. C'est quand même pas mal, ça, c'est original. Allez, avant d'aller jouer à Pokémon Go, on va s'écouter côté Sun and Floor, DJ Snake ainsi que Martin Solveig dans quelques instants. Juste avant, côté météo, Florence, qu'est-ce que tu nous prévois ? Il fera pluvieux pour aller chasser les Pokémon avec de grandes périodes de pluie sur toute la journée. Les températures chutent, elles seront comprises entre 14 et 19 degrés. Le Sun and Floor continue avec Dimitri Vegas et Like My sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Are you ready? Fun. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son dance floor. L'été, vous le passez avec Fun Radio. Le son dance floor. Thank you. 9h07 sur Fun Radio, j'espère que tout se passe bien pour vous qui êtes de l'autre côté de la radio. Je m'appelle Anto et vous écoutez Summer Fun. On est encore ensemble pendant quelques petites minutes. Le temps de vous dire que DJ Snake Talk, c'est ce qui arrive dans la suite. Et puis Coralie, aujourd'hui, que se passe-t-il en ce mardi 2 août 2016? Eh ben, nous sommes le 215e jour de l'année et nous sommes le deuxième jour de la 31e semaine. Des bonnes fêtes à souhaiter aujourd'hui. Eh ben, on souhaite une bonne fête à Pierre, Julien et Euseb. Bonne fête à vous les amis. Et puis des stars sont nées aussi ce 2 août. Oui, dont Priscilla Betty, la chanteuse de mon enfance, Michel Bernier, qui est une comédienne française, et Muriel Robin, qui est une humoriste. J'adore ces deux femmes. D'ailleurs, tu devais pas nous chanter, Priscilla. Je vois pas de quoi tu parles. Parce qu'elle a essayé pendant, depuis le début de l'émission, à nous faire un petit trop d'amour. Et puis finalement, jamais. Mais toujours pas d'amour. Eh bien, on va s'entraîner. Tu nous la feras demain pendant l'émission, ça va? D'accord. Donc, c'est Priscilla Betty, si vous voulez la voir sur les réseaux sociaux. On va appeler un nouveau gagnant qui repart avec ses 4 places pour le parc Walibi. Il s'appelle Maxime, il habite pas du tout. C'est pas Maxime, c'est pas la bonne fiche. C'est Olivier qui a 45 ans et qui habite Farville. Salut Olivier. Farville. Salut toute l'équipe. Comment ça va? Ben, ça va super bien. Qu'est-ce que t'as prévu de beau pour cette belle journée? Ben, cette belle journée, je vais aller travailler. Donc, je viens de déjeuner peinard en vous écoutant. Ça fait du bien, votre musique pour se réveiller. Puis voilà, je vais aller me doucher, puis bouloter. Eh ben justement, toutes nos bêtises te permettent peut-être de te réveiller, comme Françoise Florence qui est à côté de nous, Coralie qui chante, ou encore voilà, toutes les petites infos qu'on peut donner. En tout cas, ce matin, j'ai envie de te faire plaisir. J'ai une bonne nouvelle pour toi d'ailleurs. J'imagine que tu le sais, tu repars avec tes 4 entrées pour Walibi. Bravo! Ouais, eh ben, c'est super, merci beaucoup. Ça me fait super, super plaisir de pouvoir aller tester quand même la nouvelle attraction. Tu vas pouvoir ainsi aller tester les nouvelles attractions eh bien, qui sont présentes là-bas, et puis eh bien aussi t'amuser en famille ou entre amis, et puis voir tout ça. Coralie, heureusement, on peut encore gagner des places. Je te fais des bisous Olivier, à très bientôt. Merci beaucoup, bonne journée à toute l'équipe, ciao ciao, à plus, ciao. Vous pouvez gagner les places ce soir. Exactement, dans C'est que du fun, entre 17h et 20h, vous pourrez aussi repartir avec vos 4 entrées pour Walibi. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en envoyant Pulsar par SMS au 6322, c'est 1€ par message. Et puis demain, évidemment, on revient dès 6h pour une nouvelle émission. D'ici là, ça continue sur les réseaux sociaux. Exactement, sur la page Summer Fun ou encore sur le Snapchat Fleurus Radio. Et puis jamais si vous souhaitez venir assister à l'émission vendredi, envoyez dès maintenant un mail à anto@funradio.be. Vous pourrez profiter du petit déj avec nous et pour regarder l'émission et participer. Et puis ça peut être plutôt sympa de découvrir Exactement. Comment une émission de radio se passe. En tout cas, c'est ce qu'on vous fixe pour vendredi. D'ici là, c'est Audrey qui débarque sur Fun avec le meilleur du Sound & Sport jusqu'à 13h. Elle vous réserve un petit souffle. Emmy Amor, Martin Solveig. Et puis juste avant, c'est DJ Snake sur Fun. Faites plein de bêtises, mais faites-les bien. On se retrouve demain dès 6h. Ciao sur Fun. Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son Dance Floor. Et je t'avais pris pour acquis, tu m'as tourné le dos. J'avais cru soumise, tous ces mots sonnent faux.

Timberlake on the radio. Fun Radio. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy.